Je suis certain que c'est du haut malin. Il me fait voir des choses diaboliques. Il s'amuse avec mes nerfs optiques. J'en ai eu marre, je ne me laisse pas faire. Je suis allé le voir là-bas en enfer. Il m'a fallu braver des épreuves. J'avais pas prévu de maillot pour nager dans le fleuve. J'ai plongé dans le Styx. Je vois les papillons, le jugement des sexifuses. J'ai tourné un homme sans mère. Mais Satan est mort, vive Satan. Y'avait du monde à son enterrement. Satan est mort, vive Satan. C'est Dieu qui le remplace maintenant. Ce matin, un lapin a tué un chasseur, mais ça n'a aucun rapport avec l'histoire de tout à l'heure. J'ai pas suivi le protocole, j'ai rempli les papiers à coups de fioriole. Tous les préposés étaient horrifiés, mais c'était Satan que je voulais. J'ai demandé où il se cachait, au bureau des réclamations. On m'a montré une cheminée, c'était celle de son incinération. Car Satan est mort, vive Satan. Y'avait du monde à son enterrement. Satan est mort, vive Satan. C'est Dieu qui le remplace maintenant. C'était un petit peu gênant. J'ai plus personne sur qui gueuler maintenant. On m'a dit d'aller voir Dieu. À présent c'est lui qui gère les lieux. J'ai trouvé le vieux monsieur qui m'a dit qu'il s'ennuyait aux yeux. Torturer les pauvres gens, c'est tellement plus marrant. Satan est mort, vive Satan. C'est Dieu qui le remplace.